Chapitre 5e. Nous sommes au 6 septembre, l'aube du jour éclaire les rives du Saint-Laurent. Nous longeons de hautes parois de rochers à pic, couronnées d'une végétation vigoureuse. Çà et là, quelques arbustes plongent leurs racines dans les anfractuosités de ces murailles rocheuses et projettent leurs branchages au-dessus du fleuve. Dès 8h du matin, nous apercevons le Cap Diamant, immense rocher noirâtre, qui forme la base escarpée d'une vaste citadelle. En face de nous se présente Québec, qui fut, depuis sa fondation en 1608 par Samuel Champlain jusqu'en 1759, époque où elle tomba aux mains des Anglais, la capitale de la Nouvelle-France. Le quartier commerçant de Québec couvre la rive du Saint-Laurent. Devant les quais sont mouillés de nombreux navires de commerce. Les maisons qui semblent accrochées au flanc du Cap Diamant s'étagent les unes au-dessus des autres et s'élèvent ainsi jusqu'au plateau où l'on a bâti la haute ville. Son enceinte de fortification se rattache à celle de la citadelle, construite en granit gris. Quelques clochers d'église catholique dépassent les toitures des maisons couvertes en feuilles d'étain qui brillent au soleil. Québec, comme Montréal, semble une cité aux toits d'argent. Après avoir rapidement parcouru les rues commerçantes, je commençais l'ascension de celle qui mène à la ville haute. Heureusement, on trouve des escaliers en bois qui abrègent la montée. Après avoir traversé l'enceinte fortifiée, je trouvais des rues planes et régulières qui sont peu communes à Québec. Les boutiques, bien approvisionnées de marchandises européennes, n'attirent l'attention des étrangers que par des ouvrages indiens et quelques beaux échantillons de fourrure. La cathédrale catholique est peu remarquable. Quant à la chambre du Parlement, détruite dernièrement par un incendie, elle est remplacée provisoirement par la salle du théâtre. Je voulais voir une séance publique du Parlement. Les députés, bien que sans uniforme, ont généralement une excellente tenue. Le président porte un costume analogue à celui de nos magistrats. En face de lui, sur un coussin de velours, repose la masse d'armes d'Angleterre. J'entends discuter une question vivement controversée. Les discours étant prononcés tour à tour en français ou en anglais, suivant que l'orateur s'exprimait plus facilement dans l'une de ces deux langues. En sortant de la séance parlementaire, j'allais contempler dans un jardin public, dont le site est admirable, l'obélisque élevé par les Canadiens à la double mémoire du marquis de Montcalm et du général anglais Wolfe, qui tombèrent en face l'un de l'autre à quelques pas de là, sur le plateau d'Abraham, dans la sanglante bataille qui décida de la possession définitive de Québec et du Canada. Après avoir longtemps rêvé à la destinée étrange de ces deux noms, si longtemps représentants d'intérêts hostiles et maintenant confondus dans une même vénération, j'allais parcourir la citadelle de Québec qui doit à sa forte position le surnom de Gibraltar américain. Une des portes, celle de Saint-Louis, donne accès sur les plaines mêmes d'Abraham, dont le sol est formé d'un granit gris mêlé de quartz. De son point le plus élevé, on domine un admirable panorama. D'un côté, le Saint-Laurent serpente au pied de deux longues lignes de murailles rocheuses. De l'autre côté, les montagnes, s'étageant les unes au-dessus des autres, semblent comme les immenses vagues d'une mer houleuse. Cette vue est une des plus belles que j'ai rencontrées en Amérique. Un vent froid et violent ne tarda pas à me faire quitter ces hauteurs. Grâce aux escaliers en bois, je pus descendre assez rapidement dans la ville basse où se trouvent la plupart des hôtels. Le lendemain, une légère voiture me conduisit par une route charmante jusque devant l'hôtel de la Cascade de Montmorency, situé à 14 kilomètres de Québec. Sur les palanguides, je longeai plusieurs scieries de bois, mises en mouvement par des chutes d'eau. Puis je descendis au fond d'un large torrent presque à sec. J'avais devant moi la cascade de Montmorency. Elle est formée par une rivière large de 20 mètres et qui tombe de 80 mètres de hauteur. La nappe d'eau se précipite avec fracas dans un large entonnoir bordé de sombres rochers à pic. Leurs pointes aiguës sont indiquées çà et là par les frémissements de l'eau arrêtée dans sa chute. Un nuage de vapeur blanchâtre s'élève dans l'air et s'irise aux rayons du soleil. Une fraîche végétation couvre le sommet de la montagne. Sur l'un des côtés de la cascade, on voit, le long des rochers, serpenter les filets d'argent que forment les eaux dérivées de la chute principale. Je n'ai jamais rencontré de plus gracieuse cascade que celle de Montmorency. Mon guide me ramena en ville à travers les bois, le long d'un large torrent roulant avec impétuosité entre deux rives d'aspect bien différent. L'une semble une muraille rocheuse, l'autre forme un escalier colossal, dont les régulières assises figurent parfaitement des marches taillées par une population de géants. Le torrent ronge sans cesse les parois qu'il encaisse, et il roule, dans son cours rapide, les troncs des arbres qu'il a déracinés sur ses bords. Comme je rentrais à Québec, un steamer, chargé d'émigrants, chauffait, prêt à partir pour le haut du fleuve. On m'avait parlé si souvent de l'émigration et de ses souffrances en voyage que je fus curieux d'en faire l'expérience. Je pris une place de seconde classe pour Hamilton, ville située à l'extrémité du lac Ontario. Me voilà donc au milieu d'une foule d'Irlandais, de Canadiens et d'Allemands, et que sais-je encore. En tout, plus de 600 pauvres diables entassés dans un espace relativement fort restreint. Ils offraient une curieuse collection de vêtements déguenillés. On peut difficilement imaginer une plus hideuse misère. Je remarquais surtout quelques habits noirs, privés d'un pan au moins, et d'autres manquant d'une manche sinon de toutes les deux. Puis des chapeaux arrivés à une couleur et à une forme indescriptibles. Cependant, quelques-uns de ces passagers se distinguaient des autres par la propreté, sinon la richesse de leur tenue. Ceux-ci sont des émigrants de la Nouvelle-Écosse ou du Bas-Canada. Ils font encore ressortir davantage la saleté des haillons de leurs compagnons de voyage. Quand la nuit arrive, le vent devient froid et fait abandonner le pont du navire. On se retire dans une vaste salle dont la cheminée de la machine forme le centre. Une femme vend toute espèce de vivres et de liqueurs. Aussi est-elle entourée d'une foule de gens qui boivent, se disputent entre eux et finissent heureusement par s'endormir. Au fond de la cale du vapeur, on voit un spectacle encore plus singulier. Hommes, femmes, enfants sont entassés pêle-mêle sur le plancher. Les têtes privilégiées prennent pour oreiller les bottes de leurs voisins. Quelques Allemands ne dorment pas. Leurs pipes continuent à répandre des nuages de fumée, dont l'odeur atténue la senteur terrible de tant d'exhalaisons fétides. Des lampes enfumées répandent une lueur rougeâtre sur cet ensemble d'êtres misérables. On pourrait se croire au milieu des truands d'une cour des miracles. Bientôt, la respiration me manque dans cette atmosphère viciée. Je m'empresse de remonter sur le pont. Je rencontre une Canadienne qui va rejoindre son mari à Montréal. Son élocution m'amuse beaucoup à cause de l'analogie remarquable qu'elle présente avec le français de nos vieux auteurs. Je me figure entendre parler l'une de nos bisaïeules, travestie en jeune femme. Le 8, vers 5 heures du matin, nous étions à Montréal. 4 heures plus tard, un bateau à vapeur prit la direction de Kingston, sur le lac Ontario, et s'engage avec nous dans le canal Beauharnais pour éviter les rapides du Saint-Laurent. Non loin de la Chine, ce fleuve se précipite en flots tumultueux sur un fond de rochers et se transforme en un immense torrent. Il faut 3 heures pour parcourir le canal qui a 19 kilomètres de longueur et qui compte 9 écluses, tandis que pour doubler l'obstacle par terre, il suffit de 45 minutes de chemin de fer. Je préférais rester à bord afin de continuer mes études sur l'émigration. La plupart des Irlandais, trop pauvres pour continuer leur voyage, sont restés à Montréal. Les émigrants hollandais et allemands forment des groupes de 3 ou 4 familles, composées chacune de 5 ou 6 enfants. On distribue de l'eau chaude aux passagers qui veulent boire du thé ou du café en mangeant les chétifs aliments qu'ils achètent chemin faisant, et beaucoup d'entre eux ont encore pour nourriture principale le pain sec et noir, le pain de la patrie dont ils ont fait provision avant de franchir l'Atlantique. Les hommes fument presque toute la journée dans leurs énormes pipes. Les femmes s'occupent de leurs enfants plus ou moins criards. Le soir, ils se couchent les uns auprès des autres et s'enfouissent sous d'épaisses couvertures. Les émigrants trouvent le voyage peu pénible une fois qu'ils sont arrivés en Amérique. Mais ce qu'ils ont à supporter de privation, de misère sur les paquebots des compagnies patentées d'émigration et de mauvais traitements de la part des équipages et des capitaines spéculateurs, a donné lieu à de nombreux appels à l'opinion publique indignée et à la justice vengeresse des tribunaux. De temps en temps, le fleuve offre des rapides qu'un steamer descend avec une célérité effrayante, mais que le nôtre, qui remonte, est obligé de tourner en passant par les écluses d'un nouveau canal. Puis nous rentrons dans le Saint-Laurent, dont les rives échappent à notre vue. Ce fleuve porte à la mer un volume d'eau considérable, qu'on évalue par heure à 57 335 700 m3. Du reste, c'est en quelque sorte un long canal par lequel les mers intérieures, qu'on appelle les lacs du Canada, communique avec l'océan. L'eau qui s'écoule du lac Ontario doit passer par-dessus les gigantesques écluses naturelles obstruant le cours du Saint-Laurent. Elle le divise en plusieurs bassins successifs, dont les anciennes berges forment aujourd'hui ces rapides qui s'étagent les uns au-dessous des autres, depuis les lacs jusqu'à la mer. Le 9, à mon réveil, je fus surpris de voir la terre de tous côtés. Il semblait que le vapeur ne pourrait jamais trouver de passage à travers les forêts qui nous environnaient de toutes parts. Nous étions au milieu des 1000 îles, immense archipel d'îles, d'îlots et de rochers couverts de bouquets d'arbres verts. Ces bois, infréquentés, sont du caractère le plus sauvage et le plus pittoresque. Les grands arbres morts tombent çà et là sur les arbustes qu'ils écrasent. C'est un pêle-mêle de végétation vraiment étrange. La nature se montre ici dans toute la négligence de sa luxuriante grandeur. Il faut plusieurs heures pour parcourir les chemins sinueux de ce labyrinthe, dernier vestige sans doute de quelques digues naturelles, rongées et dépecées par les eaux des grands lacs, soit dans la succession des siècles, soit dans un jour de commotion géologique, au-delà s'étend la vaste nappe du lac Ontario. Dès que nous pûmes nous y lancer à toute vapeur, nous n'aperçûmes plus que le ciel et l'eau, comme si nous eussions été en pleine mer. Comme en pleine mer aussi, nous y essuyâmes une violente bourrasque qui dura toute la nuit et mit fort mal à l'aise tous ceux des passagers qui n'avaient pas le pied marin, c'est-à-dire l'estomac solide. À la pointe du jour, le vent et les lames tombèrent à la fois, comme nous atteignîmes Toronto, la ville la plus considérable du Canada occidental. Elle renferme quelques édifices considérables et compte une population de 35 000 âmes qui vont toujours s'accroissant. Deux autres heures de navigation le long des bras qui couvrent la rive américaine du lac nous amenèrent à Hamilton, terme de notre voyage. Nous avions en 3 jours franchi 970 kilomètres.